Lime lumière maman, lime bobèche na tichou, lime tête qui tape la maman, bon kawe bodi ma pépie, ya osu abdomi, rata mode mouena pie, wete ma te ya maman, bon kabab dormi soa, ya osu abdomi, rata mode mouena pie, wete ma te ya maman, bon kabab. Dormi soa. Rat la dévoré moi maman, bam drage la tine nan tichou, bam zoye plastique la maman. Pour la garder moi nan vitrine, rat la dévorer moi maman. Bam drage la tine nan tichou, bam zoye plastique la maman. Pour la garder moi nan vitrine, fem dodo, passa dormi, wete ma teya, wete ma lè, rat la mote moi, wete ma teya, on kapab dormi. Mettez-moi l'air, rattrape mon dev nan pie, moins besoin sorti, pas sa bête soulier, on capable sorti, mettez-moi l'air, on capable d'obi, papa, oui, papa, oui, en oui, en oui, rattrape mon dev, en oui. Avant nous, on dormi dans vieille caille planche.